Chapitre 4. Nous avons traversé le Grand Belt en 2 heures. Après avoir été éclairés de Glorup à Nyborg par la lune et par une étoile, toutes deux très brillantes, nous nous sommes embarqués à l'aube. La mer était admirable, mais agitée. Les lames bleues, au loin, écumaient et blanchissaient dans le sillage que le soleil teignait d'un rose vif. J'ai surpris au milieu de ce noble Belt un phénomène de vie dont l'harmonie m'a paru sublime. Je veux parler des courants. Sous mon bateau, je devinais des courants de fleuves gigantesques, irrésistibles. Dans le ciel, à l'ouest, je voyais des courants de nuages denses comme des rochers, et dans l'air, je subissais des courants de vent impétueux. Cette triple circulation s'enchaînait et se déroulait avec une vitesse tout éclatante de bruit et de lueur. J'avais la trinité de la terre, du ciel et de la mer, un chaos apparent qui luttait de fécondité et qui débordait d'être. Mais Dieu se dégageait pour moi de ce chaos. C'est lui qui le contient et qui le régit. Il peuple et repeuple les solitudes, fleurit, régénère et recrée incessamment le désert des mondes. Il anime tout, depuis l'océan jusqu'à la goutte de rosée, depuis l'astre jusqu'au ver luisant, depuis Léviathan et Behemoth, jusqu'aux colibris et aux papillons. J'aime ainsi mieux les choses en Dieu qu'en elles. Lui qui les gouverne et qui s'en distingue, lui qui lustre la vague, qui rougit le corail, qui blanchit la perle, me tonifiait sur le belt d'un fort parfum de son esprit. Ma conscience écoutait sa voix intérieurement et mes yeux contemplaient ses merveilles au dehors. Malgré le roulis et le tangage, mon imagination s'est jouée dans les nuées, dans les rayons et dans les eaux, sans préoccupation et sans fatigue. Notre dernière demi-heure a été moins houleuse et nous sommes arrivés à Korsor d'un pied ferme sur le pont tout en considérant les monticules et les dentelures du rivage. Nous sommes partis presque immédiatement pour Soro. Ce n'est plus la Fionie, cette contrée d'idylle et de résidence féodale où Théocrite confine à Walter Scott et Virgile à Ossian. Non, ce n'est plus la Fionie qui est devant moi et autour de moi, c'est la Zélande, l'île de Hamlet. Le Grand Belt que nous avons franchi et le Petit Belt et le Sund, ces détroits qui joignent la mer du Nord à la mer Baltique, ne relèvent pas seulement de la géographie mais de la mythologie. Le prodigieux philologue Rask, dont j'ai vu la chaumière natale non loin de Svendborg et qui a donné les meilleures éditions des deux Eddas, de la vieille et de la jeune Edda, racontait, d'après les légendes de ses poèmes cosmogoniques, une journée de la déesse Géphion. Elle avait creusé les 3 défilés avec une charrue attelée de 4 taureaux sauvages, fils d'un géant. Sur la foi d'Odin et sous le sceau de sa parole, tout ce que la déesse enceindrait d'un sillon en 24 heures devait lui appartenir. Elle ne perdit pas de temps et avec son soc, en 3 sillons, qui furent 3 détroits, elle découpa la Zélande et la Fionie. « Voilà comment, disait Rask en souriant, nous avons eu ces détroits et ces 2 îles, qui auparavant ne faisaient qu'un continent avec la Suède d'une part et d'une autre part avec le Schleswig et le Jutland. Le monde, ajoutait Rask avec malice, a oublié la déesse Géphion, mais le monde est un ingrat. Soro, où nous nous sommes installés à l'auberge, est une très petite ville et une très grande école. C'est un établissement d'instruction, une académie qui a eu 400 000 francs de revenus en terre, mais elle est moins riche aujourd'hui que ses paysans ont acheté beaucoup de ses domaines et que ses rentes ont été appliquées en partie à d'autres services publics. L'académie de Soro date du XIe siècle, elle était déjà florissante sous la protection d'Absalon, évêque de Roskilde, en 1158. Cet évêque était un éminent personnage. Ce fut grâce à ses munificences que Saxon le Grammairien écrivit au XIIe siècle les chroniques du Danemark. Soro fut ainsi le berceau de l'histoire en ce pays. Saxon était alors commensal de l'académie, comme aujourd'hui Ingemann. Elle fut soutenue par plusieurs rois, par des princes, par des princesses. L'un de ses plus illustres bienfaiteurs fut le baron de Holberg. Le baron de Holberg, fils d'un soldat de fortune, était plébéien. Il fut caporal, précepteur des enfants d'un pasteur de village et vicaire de ce pasteur. Il eut beaucoup de succès comme prédicateur auprès des paysans. Saisi de la fièvre des voyages, Holberg vendit tout ce qu'il possédait, réalisa la somme de 60 écus et se mit en route. Il donnait des leçons de langue et de musique. Il vivait de rien, mais il observait des hommes nouveaux, des nations nouvelles. Il visita la Hollande, l'Angleterre, la France, l'Italie, Amsterdam, Londres, Oxford, Paris et Rome. Né à Bergen en 1681, il était en 1714 professeur à l'université de Copenhague. Il eut d'abord le titre et attendit longtemps les émoluments de sa place. Il souffrit cruellement de la pauvreté. Ce qui l'enrichit, ce ne furent ni un poème héroïco-comique, ni un recueil de satire, ni des travaux d'érudition qu'il publia successivement, ce fut son théâtre. Son théâtre, composé de 40 pièces, fut le Théâtre National. Holberg eut cette gloire d'être le père de la comédie en Danemark. Elle n'existait pas avant lui. Il a une autre gloire, celle d'avoir tracé d'une main nette les annales de sa patrie. Ses comédies sont en prose comme son histoire. On l'a souvent appelé Terence et Tacite, Molière et Montesquieu. Ses comparaisons, soit fausses, soit exagérées, au lieu de grandir un nom, le diminuent. Écartons-les. Holberg est Holberg. Il est lui-même un esprit original dont le trait distinctif est le sarcasme toujours mordant et souvent trivial. Ce prosateur a une poésie intime, incisive, un peu sèche, mais profonde. Elle est dedans les mots, non dessus. On ne la voit pas, on la sent. C'est la poésie d'un observateur très naturel et pourtant très intense. Quoique norvégien, Holberg était bon danois, la Norvège n'étant alors qu'une province du Danemark. Il s'était beaucoup moqué de la vanité des blasons. Néanmoins, il voulut avoir le sien. Il sollicita et obtint le rang de baron. Il y eut à demi-voix une sorte de traité entre le gouvernement et Holberg. Le gouvernement lui conférait la noblesse et Holberg dotait l'académie de sceaux voués à l'éducation de la noblesse. Le poète payait ainsi sa bienvenue à l'ordre aristocratique où il était admis. Il restituait aussi aux lettres une opulence conquise par les lettres. Les legs de Holberg à l'Académie furent sa magnifique bibliothèque et une somme de 300 000 francs. Les 100 000 francs qui restèrent de sa succession avaient été réservés par le nouveau baron à ses parents et à l'université de Copenhague. Holberg mourut en 1754 à 71 ans. En retour de ses générosités, le poète, plus comique contre lui-même qu'il ne l'avait été contre le genre humain, avait imposé, dit-on, par une clause secrète, à l'Académie de Sceaux, une oraison funèbre annuelle. Cette oraison funèbre, éloge banal, est variée chaque année, en effet par un professeur de l'Académie. C'est toujours cependant le même couplet chanté sur le même air. Je suppose, pour mon compte, que Holberg n'a pas fait de clause secrète. Il avait trop de bon goût pour exposer sa mémoire à l'éternel et monotone ridicule d'un éloge officiel. Il n'était pas bourgeois gentilhomme à ce point. C'est donc l'Académie que je soupçonne de ce péché d'ennui. Elle devrait le supprimer. L'Académie de Sceaux a 183 élèves, dont 64 sont internes. Elle occupe l'emplacement d'un ancien monastère dont les portes, vénérables par la vétusté des voûtes, subsistent encore. L'église de l'Académie a des proportions charmantes de roman et de gothique. Elle renferme des dalles funéraires fort anciennes. Elle a deux Christs en bois, l'un du XIIe siècle, l'autre du XVIe. Ces statues si différentes ont un même accent. Après avoir été doux dans le supplice, le Christ l'est dans la mort. J'examinai les tombes de l'évêque Absalon, de son grand-père Huide, et des générations diverses de cette famille, la bienfaitrice de l'Académie. Il y a là une chaire de 1650, fort curieuse, bien qu'un peu lourde, et un sépulcre de Valdemar Atterdag, dont je retracerai ailleurs la légende. Ce qui m'a le plus captivé à Sceaux, c'est le lac. Il a deux lieues de tour et semble dessiné à plaisir par un grand artiste. Il est entouré de bois, surmonté de petites collines au penchant desquelles des maisons de paysans blanchissent ou rougissent parmi les arbres. Les vagues du lac sont larges, profondes, multicolores. Les jeux de l'ombre et de la lumière sont merveilleux dans tout l'horizon, dont le lac est le centre harmonieux. Ils sont d'une grâce surprenante. Plutôt qu'une académie, on rêverait un Paraclet avec Héloïse ou un Rosenborg avec Christian Munch. De Sceaux à Roskilde, la Zélande a un aspect des globes comme la Fionie, une vaste plaine, tantôt prairie, tantôt champs de blé, tantôt forêt. Peu de villages, beaucoup de maisons à un petit porche et à deux ailes, voilà l'île Nouvelle. Les paysans disséminent leurs habitations au lieu de les concentrer autour de l'église. Cela est très bon, car le propriétaire ou le fermier, toujours à portée de son domaine, le travaille d'autant mieux. Aussi, la culture de la terre est-elle non moins soignée aux Zélandes et non moins parfaite que celle des jardins. Des lacs, soit encadrés, soit couronnés de futaies, ajoutent aux autres beautés de la nature la beauté incomparable de l'eau. Ces lacs sont découpés avec prédilection dans des courbes inépuisablement variées par le paysagiste divin qui a dentelé autour des îles les rivages. Ici un promontoire, là une baie. De loin en loin, des collines modelées en cônes, un presbytère, un clocher, un château achèvent les perspectives.